C'est sûr que notre frère, il nous quitte, on est triste, mais de nos côtés, ça permet de vraiment avoir de la joie ensemble. Et puis, j'appelle Éric mon secrétaire. C'est un peu comme l'apôtre Paul. Paul avait un secrétaire. Alors, je l'ai remercié. Et dans les dernières semaines, on s'est rencontrés régulièrement pour s'encourager, s'exhorter. Donner quelques petits conseils pour le futur, et puis c'est un grand plaisir de cela. Ce matin, ceci dit, nous allons continuer dans Philémon, si vous voulez tourner avec moi, dans Philémon. Alors, je savais que le temps passerait rapidement, je suis très content. Alors, ne vous en faites pas pour le message, je vous dis tout de suite, je vais le couper en deux. Alors, c'est pas un... ça sera pas... Ça ne sera pas difficile. Lorsqu'on est prédicateur, du moins, il faut apprendre à gérer le temps. Puis il y a des choses qui doivent être dites et des choses qui doivent être faites aussi. Alors, notre ami Philémon, ce matin, deuxième partie. Comme introduction, j'ai trouvé une introduction de Luther. Je ne sais pas si vous... C'est sûr que personne d'entre vous l'avait rencontré, parce que si vous l'auriez rencontré, vous seriez assez âgé. OK? Luther, ça fait longtemps qu'il est mort. Mais je dirais que Luther était comme un peu le père du protestantisme. Faut que, une petite anecdote, j'ai été, quand ma sœur, une de mes sœurs s'est mariée, on était à l'église, avec toute la famille, mes enfants, puis avec leurs conjoints. Et lorsqu'est arrivé le moment de l'Eucharistie, est-ce que vous vous souvenez de ça, l'Eucharistie? Nous, notre famille, on a resté assis. Okay? Puis une des conjointes d'un de mes fils a dit, « Pourquoi que vous ne vous levez pas puis vous n'allez pas? » Fait que là, j'ai lui répondu, c'est pour ça qu'on nous appelle des protestants. On proteste contre ça, on n'ira pas. Alors, c'était ça l'idée. Pourquoi qu'on a été appelés protestants? Parce que les faits de Luther, on a protesté contre l'Église catholique de plusieurs de ses doctrines. Et Luther s'est converti, puis a prêché, puis a fait une introduction à Philémon. Luther a écrit ceci. Cette lettre est un délicieux exemple d'amour chrétien, car nous voyons avec quel tendre intérêt Paul s'occupe du pauvre Onésime, intercède pour lui auprès de son maître, pour tous les moyens en son pouvoir, se met à la place de l'esclave, comme si lui-même avait péché. Et il fait tout cela, non par contrainte ou en usant d'autorité, comme il aurait eu le droit parce qu'il était apôtre, mais il renonce à son droit afin d'obliger d'autant plus sûrement Philémon à renoncer à ses propres droits lui aussi. Paul imite auprès de Philémon et en faveur d'Onésime ce que Christ a fait en notre faveur auprès de son Père. Car Christ s'est ainsi dépouillé de son droit et à force d'humilité et d'amour, il a obtenu du Père qu'il mit de côté sa colère et son droit, et qu'il nous reçut en grâce pour l'amour de Christ et de son intercession. Ainsi, nous sommes tous des Onésimes et nous croyons en lui. C'est pas beau ça, hein? Très, très beau. Alors, ce matin, pour Philémon, partie numéro 2, la première partie, on a vu le profil spirituel de celui qui pardonne. Ce matin, nous allons voir une partie des actes spirituels de celui qui pardonne. Malgré que le mot « pardon » ne se trouve pas dans l'Épître, pas plus que l'articulation de principes théologiques du pardon, Paul ne fait ni allusion à la loi, ni un principe, mais à l'amour. Si vous voulez lire avec moi versets 8 et 9 comme introduction. Je dirais que c'est ces versets-là qui m'ont touché le plus en préparant ce que je vais vous partager ce matin. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te proscrire. Vous savez, il y avait la liberté de lui ordonner. Il y avait la liberté de lui commander. mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Ce qui était convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant que je suis Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, il aurait pu avoir l'opportunité d'utiliser la loi, il aurait pu utiliser son autorité, mais il ne l'a pas fait, il a demandé pour la charité. Les croyants qui refusent de pardonner aux autres ressemblent aux méchants serviteurs de la parabole de Jésus dans Matthieu 18, 21, 35. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça vaut vraiment la peine de tourner. OK? Matthieu 18, 21 à 35, si vous voulez bien. 21 à 35. La parabole du serviteur impitoyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, il dit, 21. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Comme il se mit à compter, en lui amenant un qui devait 10 000 talents, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût, pour que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternèrent devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de parler d'une dette des millions peut-être. Puis c'est un gars qui devait à peu près 100 piastres. C'est ce que ça veut dire. Concept est là. Alors, paie que tu me dois. Son compagnon se jeta en terre, le suppliait et disait, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément tristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fut appelé ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Et ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Alors ici, c'est une parabole vraiment là, qui nous parle du pardon. On a tous été pardonnés, mes amis, de notre vie qui était peut-être qui aurait pu représenter des milliers de dollars. C'était toute qu'une dette qu'on avait. Puis nos frères, ils peuvent avoir une dette envers nous, puis on devrait l'avoir comme une petite dette, et non pas comme la dette que le Seigneur nous a remise. Alors, c'est intéressant de voir cela. Alors, on est interpellé, en tant que frères et sœurs, à pardonner à nos frères. Le premier acte spirituel, que je dirais, est celui qui est du pardon ici, si on revient dans Philémon, si vous me permettez, c'est l'accueil. C'est ce que Paul veut de Philémon. C'est d'accueillir Onésime, OK? De l'accueillir avec bienveillance. Parce qu'il pourrait juste lui demander de l'accueillir, mais il lui demande de l'accueillir avec bienveillance, de prendre soin de lui. C'est un esclave, il n'a pas d'argent, il n'a pas de maison, il n'y a rien. Puis là, ce qu'il est en train de lui demander, c'est que de prendre soin de lui. L'accueil est la première étape du pardon. Okay. On a entendu parler de l'accueil par notre frère René et d'autres. L'accueil suppose l'ouverture, premièrement, de notre propre vie à notre frère. Dans le but de reprendre la personne qui a commis l'offense, Philémon doit accueillir notre nouvelle Onésime, son esclave dans sa vie. 3 choses dans la vie d'Onésime qui prouvent que celui-ci cherche le pardon auprès de Philémon. Premièrement, Onésime est repentant. Il a vécu une expérience spirituelle dans la prison avec Paul. Alors, il doit affronter maintenant. Ça semble facile à dire. Paul, il a dit à Onésime, retourne voir Philémon. Mais je vais vous donner le contexte tantôt que ce n'est pas si simple que ça. Alors, il doit affronter le maître à qui il a fait du tort et qui a le pouvoir de le punir sévèrement et même de le tuer. C'est quelque chose, cela, là. Alors, Paul adresse une prière pour son enfant, comme on a pu voir tantôt, dans la foi qu'il a engendrée, étant dans les chaînes, l'ancien fugitif est maintenant l'enfant spirituel de Paul. Regardez le verset 10. « Je te prie pour mon enfant. » Tu sais, quand un homme là, qui s'appelle Paul dit « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes », ça a tout un poids, vous ne trouvez pas, là? Hein? Puis ça devait être tout un poids parce que ce qu'on n'est pas conscient, c'est que probablement Paul avait conduit au Seigneur Philémon. C'était son père spirituel aussi, Paul. Voyez-vous? C'est important de réaliser cela. Maintenant, comme Timothée, Tite et Philémon lui-même, sa repentance atteste l'authenticité de sa foi. Maintenant, je vais vous lire un petit document concernant l'esclavage du temps. OK? Parce qu'il était esclave, Onésime avait mené la vie misérable d'un esclave. Une des choses les plus horribles et haineuses qu'un homme puisse jamais faire à un autre homme, c'est de le soumettre à l'esclavage. Mon cœur se serre en pensant que ces gens se sont devenus des esclaves dans l'état d'un pays, il fait ici dans certains pays. Un des plus grands maux de l'humanité est l'expression ou l'oppression d'un être humain pour un être humain. Maintenant, dans l'Empire romain, l'esclavage était vraiment un horrible crime contre l'humanité. À l'époque où Paul a écrit cette épître, il y avait 60 millions d'esclaves dans l'Empire romain. Et il y avait toujours une crainte que les 60 millions d'esclaves se soulèvent en masse. C'était une menace constante. Donc, quand un esclave faisait preuve du moindre signe de rébellion, par exemple, en s'enfuyant, il était traité avec une extrême sévérité. En général, il était mis à mort. Pour provoquer quoi? La peur dans le cœur des autres esclaves. Okay? Alors, voici ce qui attendait si vous osiez vous rebeller contre l'autorité. La moindre de ces choses pouvait vous arriver était d'être marqué d'un F dans le front, au fer rouge. On pouvait faire ça. Au lieu de vous tuer, on vous marquait au fer rouge de manière à créer une cicatrice que vous ayez toujours la marque du fugitivos, la marque du fugitif, la marque de l'esclave qui s'était enfui. L'esclave n'avait aucun droit, ne pouvait rien posséder, personne ne pouvait le défendre lorsqu'il était battu, volé ou n'importe quoi d'autre. Il ne pouvait faire appel à personne pour le défendre. Aucune autorité ne protégeait les esclaves. Votre maître était la seule autorité sur votre vie et sur votre autorité était totale. Il pouvait terminer votre vie quand il le désirait. Il pouvait vous tuer n'importe quand, sans être le moindre main du monde opportunité. Les esclaves étaient souvent battus et gardés dans des conditions les plus misérables par des sadiques qui prenaient plaisir à les torturer. Ils étaient vraiment misérables et bien sûr, dans son épître aux Éphésiens, Paul a exhorté les maîtres à traiter les esclaves avec bonté et amour. Alors, ça nous met un peu dans le contexte, là. Pourquoi qu'on croit que Onésime était vraiment repentant? Parce qu'il met sa vie en danger. Puis en plus, si c'est pas juste sa vie, s'il va être torturé, c'est grave, là. Il ne sait pas comment ça va. Il va se tenir en avant de son maître a toute autorité sur lui. Vous savez, moi, je n'ai jamais vécu ça, l'esclavage. Puis j'espère que je ne le vivrai jamais. Je ne sais pas c'est quoi. Je le lis, là, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais il est clair que si Onésime n'était pas converti, il n'y a personne qui n'est pas converti qui va mettre sa vie en jeu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important de réaliser ça. Alors, le premier élément qu'on peut voir chez Onésime, c'est qu'il est repentant. Deuxième élément, c'est que Onésime est transformé. Okay? Alors, Philémon, au verset 9, 10 et 11, surtout le verset 11, regardez, il est transformé. Paul dit à Philémon, « Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te l'en renvoie, lui, mes propres entrailles. » Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que ce qui était inutile plus tard, maintenant, il va t'être utile. Maintenant, il va pouvoir t'aider. Parce qu'il faut comprendre que Onésime est parti. Qu'est-ce que Philémon a fait? Est-ce que Philémon il s'est racheté un autre esclave? Est-ce que Philémon il a perdu l'argent qu'il ne sera pas capable de le retrouver? Mais Paul lui dit que Philémon est un homme transformé. Quand on rencontre Jésus, là, on est des gens transformés. Tu ne peux pas rencontrer Jésus puis de rester le même. Okay? C'est pour ça que la Bible appelle ça la nouvelle naissance. C'est pour ça que le jour qu'on se convertit, on est une nouvelle personne, on est transformé. Personne, mais je me souviens, moi, et souvenez-vous de vous-même quand vous êtes converti, les changements qu'ils ont eu dans vos vies, puis que les gens vont regarder puis on dit, c'est pas le même gars qu'on connaît. C'est pas le même gars. C'est un nouveau. Moi, j'étais un nouveau Noël. J'étais plus le même gars. C'était très différent. Alors, ça fait toute la différence. Le jour que tu rencontres Jésus, tu regardes les histoires que les hommes ont rencontrées dans la vie de Jésus, ils ont tous été transformés. Maintenant, c'est sûr que quand les enfants, ils se convertissent dans une famille chrétienne, OK? Des fois, il y a des enfants qui avaient déjà une bonne vie, entre guillemets, OK? Si ma fille Ève serait ici et elle vous donnerait son témoignage, savez-vous qu'est-ce qui a été transformé dans sa vie? Parce que Ève, c'est un modèle. Je ne veux pas. C'est pas moi qui l'ai amené là. Elle est née comme ça, OK? C'est un cadeau que le Seigneur nous a fait. Mais Ève, quand elle donne son témoignage, elle va dire c'est pas ma vie qui est dans le sens, pas mes actions. Hey, Ève, tu disais, Ève, tu vas arrêter de faire ça. Elle arrêtait tout de suite. Tu disais à Ève, assis-toi. Tu sais, là, mon ami, il y aurait eu 15 de même, là. Ça n'a pas eu de problème. Mais il y en avait un autre que tu avais beau lui dire 25 fois, il restait debout encore. Fait que je vous dis ça bien humblement, là, moi, je n'ai rien à faire là-dedans. Mais elle, celle-ci, elle vous dirait, c'est mes pensées qui ont été transformées. Intéressant, hein? Parce qu'elle ne sacrait pas, elle ne buvait pas, elle ne se battait pas. Tu sais, même à l'école, il m'avait dit qu'elle était un modèle. Tu sais? Alors, je l'ai accepté, je lui ai dit merci. Parce qu'il y avait, il en avait un autre avec elle. Qu'elle lui brassait tout là-dedans. Je l'ai accepté. Alors, il était transformé, Onésime. C'est important de réaliser ça. Alors, il était pour devenir utile à Philémon. Et le dernier point de ce matin, Onésime était fidèle. Si vous regardez au verset 13 maintenant, « J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. » Alors, Paul, ce qu'il veut nous communiquer, c'est que c'est un homme qui est fidèle. Mais ce qui est intéressant de tout ça, si vous voulez tourner avec moi juste à Colossiens, on a le titre que Onésime est un homme fidèle. Si vous voulez tourner avec moi dans Colossiens, chapitre 4, on a ce titre-là. 4, le verset 9. On va commencer au verset 7, 8, là. OK, puis 9. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il vous console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime. C'est intéressant. Le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Alors, ils étaient probablement à Rome, puis là, il les envoie à Colosse, où ce que l'église qui était dans la maison de Philémon était à Colosse. Alors, on peut voir ici qu'Onésime porte déjà le titre et est déjà reconnu pour sa fidélité. Alors, une chose est sûre, ce que j'aimerais ici, c'est de, comme conclusion ce matin, quand on regarde juste Onésime, on continuera la prochaine fois, mais Onésime, il s'est repenti. Et puis, on voit ses fruits. On voit qu'il est prêt à mourir pour cette repentance. Il est prêt à mourir pour aller rencontrer son maître. Parce que c'est toujours son maître, n'oubliez pas, là. Il est toujours l'esclave de Philémon. C'est important de réaliser ça. Alors, dans ce sens-là, ce que je me suis arrêté comme conclusion, c'est que des fois, quand les gens se repentent devant nous, on a de la misère à croire des fois qu'ils se sont repentis. Puis moi, le premier, okay, je me souviendrai toujours, ça fait 43 ans, 44 ans, 45 ans, je ne sais plus combien de temps que je suis chrétien, que j'ai participé à des réunions d'évangélisation, j'ai participé aussi à des réconciliations dans les églises. Et puis, quand les gens se sont repentis, des fois, je me suis demandé, « Y es-tu vraiment repenti? » Je me suis posé la question. J'ai vu des repentances, là, ils s'arrachaient le linge sur le dos. J'ai vu ça. Ils pleuraient, mon ami, puis c'était ça, la repentance. Hey, moi, je me disais, quand je regardais ça, hey, hein, il a fait comme M. Crabb qui dit à un moment donné, je ne sais pas si vous avez déjà lu un de ses livres, puis il dit, juste pour démontrer l'orgueil qu'on a, il dit, j'étais sur le bord de la plage, puis là, je m'avais repenti. Puis là, tout à coup, dans mon cœur, je me suis dit, « Hey, t'as fait une super de belle repentance. Hey, on est comme ça, nous autres, on est grave, là. Il est en train de dire qu'il avait fait une belle repentance. Imagine-toi. Alors, j'ai vu des gens qui se sont repentis soit le soir de leur conversion, ou j'ai vu des gens qui se sont repentis de leur péché dans l'église locale. Ils n'ont pas versé une lame. Et tu es regardé, là, puis tu dis, ben, es-tu vraiment converti? Ou pas converti, mais es-tu vraiment reparti? Mais savez-vous, avec le temps, vous savez, le secret là, de la repentance, c'est le temps. C'est elle qui va vous dire si la personne s'est repentie ou pas. Puis savez-vous quoi? J'ai remarqué que celui qui s'avait arraché le linge sur le dos puis qui s'avait mis de la cendre, puis t'as repensé là, que c'était repenti, bien, il est parti puis on ne l'a jamais plus revu. Puis celui qu'on voyait qui avait plus ou moins d'émotion, savez-vous quoi? Il est encore là. Alors là, j'ai dit, « Oh, mon petit gars, là, mon Noël, il faut que tu apprennes quelque chose. » là. Comme Dieu a dit, qu'est-ce que dit Dieu au prophète? Il dit, regarde pas nécessairement ce que les. Dieu ne regarde pas nécessairement ce que les hommes regardent à la vue, mais le Seigneur regarde au cœur. Et c'est ça notre défi à nous. On ne voit pas dans le cœur des gens. On ne le voit pas. Fait que ce qu'on est encouragé par Onésime, parce que Philémon, moi, je dis là, Philémon, il reçoit cette lettre-là, là, puis je me dis, ouais. Il doit se dire, j'ai hâte de le voir. Hein, c'est pas si, hein? J'ai hâte de le voir. Ça fait penser à l'exemple de Paul quand il s'est converti. Vous vous souvenez, quand Paul s'est converti, qu'est-ce que les gens ont pensé de lui? Oh non, non. Sûrement pas que c'est vrai. Ça ne doit pas être vrai. Il doit mettre son épée en dessous de sa robe. Il veut juste poigner les chrétiens. C'est ça qu'il veut. Il veut juste les tuer. Alors, voyez-vous, Dieu a utilisé Barnabas pour prouver aux gens à donner Barnabas pour réconforter les gens puis dire, écoutez, c'est vrai qu'il s'est converti. C'est vrai qu'il s'est repenti. Alors, depuis plusieurs semaines, Dieu permet que des gens nous demandent pardon. Il y a des gens qui se repentent. Moi, je vous encourage à garder une petite gêne. OK? Parce que si vous pensez que c'est pas vrai, si vous pensez qu'il y avait des mauvais motifs, bien là, vous allez le regarder de différent, vous allez le regarder puis dire, oh non, non, non. Mais vous savez, là, je veux pas aller plus loin que la prochaine fois, mais vous allez avoir de la misère à rétablir la relation de ce frère-là parmi nous. si vous pensez, puis que vous doutez qu'il ne s'est pas repenti. Alors, c'est pour ça que c'est important de réaliser cela ce matin. Puis, je fais partie, on est tous faits de la même nature. OK? On a tous des doutes, mais les doutes, là, faites attention avec. Puis, il ne faut pas les nourrir, est-ce que vous comprenez? Attendons, le temps va nous définir vraiment s'ils ont demandé pardon et qu'ils se sont repentis dans ce sens-là. Alors, ce matin, que ça puisse vous encourager, OK? Philémon, là, on va voir la suite de l'histoire, puis il va répondre à la prière. Il va répondre à la prière. Il va prendre soin d'Onésime. Alors, ce matin, ensemble, soyons prudents. Et pour conclure, cette partie de message, je vais inviter Jeannot maintenant. OK, Jeannot? Oui, ça prend le micro. On peut donner un micro à Jeannot, s'il vous plaît?